rencontré dans un bar ce guitariste aux cheveux bruns, dont il va poser sa guitare et t'offrira un verre de vin. T'en auras déjà bu deux ou trois que d'autres t'auront payé, en espérant te faire lâcher. Le guitariste, c'est-à-dire moi, t'aurais aimé être musicienne, petite fan des musiciens. Alors dès que tu peux, tu traînes avec les autres, avec les uns. Une attitude des plus tranquilles, parce qu'ils aiment les filles cool. Quelques sourires un peu dociles, pour en faire une affaire qui roule. S'il ne t'a pas vu, pas de problème, tu te rapproches d'un petit rien. Philosophie, c'est carpe diem, et celui-là, il a l'air bien. T'aurais voulu être musicienne, petite fan des musiciens. Alors tu planes autour des scènes, tu restes toujours jusqu'à la fin. T'as goûté à plein de choses, mais ta vie est encore devant. T'agis en connaissance de cause, pourtant tu as juste 20 ans. Troubles à pas en robe noire, tu sais marcher avec le vent. J'ai vu briller tes yeux d'ivoire, mais j'ai jamais su jouer les grands. Tu as deux armes terribles que sont ta bouche et tes yeux. Crois-moi, elles ont mis dans la cible. Tu m'as voulu et je te veux. Bien sûr, pour toi, demain c'est loin. Nous nous toucherons dans quelques heures. Un rituel que je connais bien. Et c'est là tout mon malheur. T'aurais aimé être musicienne, alors tu joues du musicien. T'as l'impression que tu étreignes un peu de ton art entre ses mains. Il y a des questions qui me viennent, petite fan des musiciens. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Ah bon, tu vas voir jouer un copain.